Nina Somi, grande coiffeuse de Katia Paris. Talangana telengani yo yo yo yo a telenga. Bangouna na katia bouker, c'est pas n'importe qui yo yo yo. Nina Somi yo kanga. Cette puissance, la force, la bande des becs. Martin Litumba, les garçons charmés.